Le corps ne ment jamais, le corps se souvient. Dans l'émission Le corps en mots, nous donnons la parole à celles et à ceux qui font du corps un langage, artistes, danseurs et témoins. Aujourd'hui, Le corps en mots accueille Shova, danseuse indienne, pour explorer comment son corps devient récit, mémoire et poésie. Bonjour Shova. Bonjour Anne. Alors Shova, comment avez-vous découvert la danse? Je suis d'origine indienne, donc la danse est très ancrée en nous, en Inde, en danse, dans toutes les festives. Voilà, c'est... Et vous êtes venue en France? Oui, je suis venue en France il y a 28 ans. 28 ans, d'accord. Alors voilà. Comment se caractérise la danse indienne par rapport à la danse européenne? Racontez-nous un peu. Comment? Danse indienne, déjà, la base, c'est de la vie quotidienne. Comme c'est ancré en nous, un peu, quelque part, ça communique. Oui. Ça communique énormément à travers les yeux, le visage, les expressions. L'expression du visage, les mains, c'est je crois. C'est très, très, très important, les expressions, parce qu'on on explique notre émotion sans parler. D'accord. C'est pas les expressions et en même temps les gestes. Les gestes. Et les mains. Les mains. Comment ça s'appelle les mains? Ça a un nom? Oui, on appelle ça les mudras. Les mudras. Qui signifie, voilà, ce qu'on dit, on fait le même geste avec la main, mais sans les paroles. D'accord. Est-ce que la danse indienne raconte une histoire? Énormément, énormément. C'est une danse très théâtrale. Théâtrale. Voilà, ça raconte. Et quel genre d'histoire ça raconte? Ça peut être de la vie quotidienne, ou ça peut être pendant les fêtes, ça peut être religieux. Mais c'est une histoire que vous écrivez au départ? Oui. D'accord, d'accord. Et alors, quel est le mouvement ou le geste qui correspond, si on devait faire une caricature, au mieux à la danse indienne? Souvent, c'est avec l'index. Index, oui. Et les deux doigts, l'index, le pouce et celui de milieu, ensemble, attachés. Oui. Et on est tout de suite en Inde. Ah d'accord, donc si je mets les deux doigts attachés comme ça, je deviens indienne. Voilà, et les deux autres, les deux extrémités sont droits. Ils ne se touchent pas. Et comment le public réagit face à la danse indienne? Ils adorent, oui. Parce que c'est comme si ça communique avec les regards et qu'on communique avec le public en même temps. C'est une danse qu'on communique beaucoup. Il y a un costume spécial pour la danse indienne? Il y en a plusieurs. Oui, très coloré, non? Très coloré, oui. Parce que l'Inde est colorée. Quelle est la principale couleur? Rouge. Rouge. Orange. Orange. Ouais. Toujours très vif. Très vif. Comment vous transmettez la danse à vos élèves? À qui adressez-vous cette danse? À mes élèves. Oui, alors où pratiquez-vous la danse? Ah là, je pratique dans les MJC, oui, MJC Bazin. MJC Bazin. Précisément. Oui. Ça va faire 17 ans, que, 18 ans, oui, que j'enseigne à Bazin. D'accord. MJC Bazin. Et vous m'avez parlé aussi des personnes âgées. Et aussi, ça fait 15 ans que j'enseigne. Non, je ne peux pas dire que j'enseigne, mais j'essaie de transmettre la danse avec les personnes âgées dans des EHPAD. Ça fait la danse et ça fait la gym douce en même temps. Et elles accueillent ça comment, les personnes âgées? Elles aiment bien. Elles aiment bien? Elles aiment bien, oui. La danse indienne pour des personnes âgées, c'est extraordinaire ça. Je crois que c'était la première. Oui, vous êtes la première. Hein? Dans la première annoncée. De faire des, oui. Voilà, oui, activité, oui. Danse assise, je pense que je suis la première. Oui. Alors, à quel EHPAD? Je suis à l'hôtel Club de Saint-Max et Notre-Dame de Beau Repos à Maxéville. D'accord. Combien de fois? Une fois par semaine? Une fois par semaine. Parce que la plupart des animateurs, animatrices me disent « Oh, c'est très, très, très intéressant ce que vous faites. » Mais malheureusement, on n'a pas le budget. Ah, toujours pareil. Et combien de... Alors, combien... C'est beaucoup de femmes, non? Non, il y a des hommes aussi. Oui, ouais, à des hommes qui font la danse indienne, d'accord. Oui. Et combien de participants aux EHPAD? Ça dépend. Je peux dire, ça démarre à partir de 8. Je peux avoir 15, Ouais. mais le plus bas, c'est le 8. Vous avez une musique spéciale qui accompagne? Il y a une Oui, musique. je mets de la musique, et Musique puis indienne. voilà, oui. Alors, au niveau de vous-même, votre corps, quand vous dansez, qu'est-ce que votre corps murmure? Qu'est-ce que votre corps vous dit quand vous dansez? Ben vas-y, exprime-toi. Ouais. Vas-y. Raconte une histoire, raconte au public. Faites-les adorer, faites-les aimer. Et Voilà. qu'est-ce que la danse, elle vous apprend sur vous-même? Ah, oh, ça nous apprend à être calme, à épanouir. Ouais. L'esprit ailleurs. L'esprit ailleurs. Ouais. Et vous dansez à peu près combien d'heures par jour? 2, 3 fois par semaine. Oui, 2, 3 fois par semaine. D'accord. Si vous deviez donner une image à votre corps qui danse, laquelle ça serait? L'image. Oui. L'animal. Le pont. Ah, le paon! Ah oui! La couleur, le La couleur déploiement. et sa danse. On dit en Inde, c'est un oiseau national. Voilà. Est-ce que la danse indienne, elle a un rapport avec la nature, les Oh animaux? oui, oh oui, oh oui, Toujours? toujours, toujours, ça raconte la nature, les oiseaux, Les oiseaux? même les animaux comme les tigres de Bengale. Donc quand vous dansez, vous imaginez, on peut Ouais. danser et imaginer être un tigre. Oh oui. Ah oui. Même le pont, on peut imaginer. Être un paon. Être un pont. Quand vous dansez, qu'est-ce que vous voulez que le public ressente? Comment vous imaginez la Moi, je réaction n'imagine du pas. Quand public? je danse, je suis comme dans une transe, comment Oui. on dit. Vous Voilà. êtes en transe. Voilà, c'est difficile d'expliquer comment le public, comment il Comment il réagit? pas réagit, mais comment il voit. J'essaie de les faire comprendre par la danse, mais moi-même, moi, je suis ailleurs quand je danse. Et quelle part vous faites entre la tradition indienne, qui est quand même assez c'est structuré, je veux dire, et votre liberté? Et vous avez une part d'interprétation personnelle, de création, où vous restez dans ce qu'on vous a appris? Parce que la Non, danse, on vous l'a non, non, appris non. en Inde. Oui. Est-ce que vous dérivez, vous modifiez, ou vous restez Oh dans ce... oui. Non, Oui. non, non. J'essaie de dériver et tout ça. Oui, et vous Les dérivez ça. comment? Comment vous pouvez dériver ou interpréter différemment la danse indienne? Parce que c'est Bah. codifié. Oh oui. Mais on peut très bien accorder avec la danse d'ici, ou comment on appelle ça, le western. On peut faire une fusion. Là-dedans, j'essaie de dériver là-dessus. Vous pouvez mettre de la musique européenne sur de la danse indienne? Oh oui, Oui. de nous, comment en Inde, le cinéma indien, vous connaissez le cinéma Oui, indien, oui, déjà oui, oui. entendu, appelé Bollywood. Oui, Déjà d'accord. ça nous. C'est de la mélange de beaucoup de danse. Et quand vous dansez, vous incarnez une mémoire personnelle ou une mémoire collective? Je veux dire par là, quelle est la part de vous? C'est compliqué, hein, comme question. Déjà, nous, quand on danse, on essaye d'incarner la personne qui est la principale dans la chanson qui va raconter. On essaye de s'incarner là-dessus. Mais si on danse, par exemple, la danse Bollywood, appelée Bollywood, Bollywood. souvent, on essaye de ressembler un peu comme les acteurs ou les actrices de cinéma Bollywood. On essaie de... Donnez-moi un exemple d'histoire que la danse peut raconter. Oh, souvent, la danse, ça raconte l'histoire d'amour. Ah oui. Souvent. C'est toujours basé sur l'histoire d'amour. Mais c'est une véritable histoire. Mais Possible. est-ce que le public y comprend l'histoire? Oh oui. D'accord. Ouais, ils arrivent à comprendre. Je vais vous lire un Ouais. extrait du poète Tagore. Vous connaissez Tagore? Oh oui, Voilà. grand écrivain indien de Calcutta. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez. Le corps est l'instrument de ta musique. et je le tends comme une harpe devant toi. Prends-le dans tes mains, Seigneur, et joue la mélodie que tu veux. Oh oui, c'est bien dit. C'est exactement ça. Mais déjà la danse, quand on danse, je ne sais pas pour la danse d'ici, mais en Inde, déjà, quand on apprend la danse, déjà, on dit, où vont tes mains? Vont tes yeux? Les yeux suivent. Et après, une fois que les yeux se suivent, l'esprit s'accorde. Et mais là, ça part des mains, en fait. Oui. Ça part des mains et le corps suit les mains, c'est ça? Oui. D'accord. Et après, l'esprit va dedans et l'âme s'épanouit. D'accord. Moi, je ne sais pas, je connais pas, je suis pas une danseuse, mais j'ai quand même l'impression que dans la danse européenne, on est beaucoup sur les jambes, les pieds, vous les pointes. Pas, voilà, ça c'est la danse classique. Oui. Ouais. Et vous, c'est par les mains que tout se fait, les mains, les émotions, le visage, oui. Oui, oui. Déjà, quand on positionne déjà comme ça. Déjà, la main, il est exposé, direct. Est-ce que la danse indienne peut être une médiation entre l'Orient et l'Occident? Ça fait un passage? Est-ce que ça peut faire un passage entre... Par rapport au public, par rapport... Est-ce que, par exemple, les gens, quand ils vous regardent danser, ils s'intéressent après à la culture indienne? Ils oh, se disent, on va manger au restaurant indien? Bien ou... sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr, ils me demandent beaucoup... Ben alors, donnez-nous les bons restaurants indiens, ici. Ben oui. Où sont les bons restaurants indiens, restaurant aussi? Oh, il y en a pas mal. Les meilleurs. Les meilleurs. Ici, il y a beaucoup de... Quand on appelle restaurant indien, c'est beaucoup de Pakistan. Ah! Il n'y a pas vraiment l'Inde. À part le restaurant Bengal. Qui se trouve? Dans la rue, pas très très loin d'ici. Je ne sais pas si ça existe encore. Mais beaucoup, ça vient de Pakistan. Ouais. D'accord. Et la cuisine pakistanaise est très très proche de vraiment le nord de l'Inde. Tout en haut. Et le véritable plat qui est oh, le plus... Il y a plein. Oui, ça, c'est tellement grand l'Inde, de est, ouest, nord, sud, ça varie. Alors là, j'aimerais faire un parallèle assez un peu osé. Je fais un parallèle entre l'art nouveau et la danse indienne. Ce qu'on a annoncé. L'art nouveau, bah oui, bien sûr. C'est des univers éloignés, mais qui bizarrement se ressemblent. Pas trop éloignés. L'art nouveau parle de la nature. La nature, rapport oui. Avec la fleur et tout ça. Les glycines, les nénuphars, iris, les libellules. Et nous, c'est pareil aussi. Vous parlez beaucoup de la nature, lotus. Oh, oui, lotus, oui. Qui est le symbole national de l'Inde. Beaucoup aussi de fluidité, d'arabesque aussi en commun. Oui. Et puis, on a aussi l'idée de mettre toujours la femme en avant. Oui. Hein? Symbole de mystère, de... de désir. De désir de... et ouais, de vie. De vie, ouais. Merci, Chauva. C'était le... Bah, merci à vous, hein, d'ailleurs, m'avoir invité dans ce plateau. C'était le corps en mots. Le corps parle encore lorsque les mots se taisent. Merci, Chauva, d'avoir dansé avec vous. À très bientôt. Merci beaucoup à vous. À très bientôt pour un nouveau voyage dans le corps en mots.